Yeah. Fait que la vie, ça continue. L'homme parle de foi intérieure. Les gens, ce qu'ils ont, c'est du foi de vous.